monde nous juge parce qu'on s'habille en hip hop, parce qu'on cote sur nos cocottes. Puis jamais on se fait cote. On est juste des habitués, c'est pas un bout qu'on s'accote. En pop, on fait notre shit dans notre coin. Du commercial, je reste loin. Ma vision du monde, ça va pas bien. Là-bas, c'est la guerre ici. C'est la drogue, dehors ça dégénère. Nous avons finir à bord, mais c'est pas mes affaires. Nos joints qui shit la vie, des fois c'est l'enfer. Dans ma tête ça tourne en envoi des tracks. J'arrêterai jamais d'en faire, que ça te plaise ou non. J'm'en crise, j'reste fier, j'pense plus à hier. Top et top, c'est ce que j'voyage. Tu creuses l'un de blanc d'un coup de cuillère. Tandis que j'fais ça coup de main, rien si vaut d'être. Resurrect, j'reste tight. Contre les wacks, j'pars en fight. Quand j'spit, c'est rare que j'm'arrête. In the back, taking the back on fast track and table ass. Hell the back, and what I had is you come fast. Mass pleasure, be sure. A creature be out on board. Yo, crazy bitch can't afford to sort me. Page by page, I ain't a phase. I'm the last stage, coming in rage in your face. The next days after I blaze. In case you're defeat, you ain't none but me. And I'm a sex freak, only here to break through you. Fuck through you, and I don't stop until the clock runs out of TikTok. Until you scream, hey yo, gotta know, so fuck yo. Oh, fuck yo, I ain't like you, and I'm gonna show yo. I do it like bro. Yo, yo. Fantasio.